Je suis le petit cocher, a very nice cocher. Je cours toujours, toujours, je cours sans accrocher. C'est moi, je crois, le roi du beautiful cocher. Je suis le pretty, pretty, pretty little coche. Je conduis avec grâce et force un horse, un cheval, deux horses, trois horses, all right, tout m'est égal. Ah non, jamais je n'ai fait qu'une seule chute, oh non. Je suis adroyeste, avec moi jamais qu'il bute. Je conduis près de toi, my coche, blood, I'm l'ando, busta, je coche. Je conduis près de toi, my coche, house, I'm fight, oh, cowboy, night, coche. Rudam de toi, come, my coche, rudam de toi, come, my coche. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Je suis le petit cocher, a very nice cocher. Je cours toujours, toujours, je cours sans accrocher. C'est moi, je crois, le roi du beautiful cocher. Je suis le pretty, pretty, pretty little coche. Je suis le petit cocher, a very nice cocher. Je cours toujours, toujours, je cours sans accrocher. C'est lui, je crois, le roi du beautiful cocher. Le roi de tous les petits cochers. Ah, il est très amusant. Mais où diable ai-je fourré mon lorgnon ? Et comment se fait-il que vous soyez à Milan, monsieur le duc ? Je suis à la poursuite d'une jeune personne. C'est toi qu'il cherche. Laisse-moi faire. Oh, justement, ce matin, monseigneur, il avait rencontré une petite miss bien jolie sous son costume de vivandière. Vivandière ? Elle était vivandière. Oh yes, vivandière français. 17 à 18 ans, des cheveux blonds et des yeux noirs. C'est le signalement de Stella. Continue, continue. La petite avouilla qu'elle avait enfoui, elle, de chez ses parents et avait perdu ses compagnons de route. Continue, continue, continue. Alors monseigneur a ordonné à moi de la conduire dans ce petit maison du faubourg. Je sois loué, c'est ma fille. Votre fille. Et je vous supplie de me la rendre. Il y va de ma fortune. Il suffit, je vous la rends. Je vais écrire un mot. Vous n'aurez qu'à remettre ce billet à la duègne. Ah, merci. Mais, pardon, vous avez oublié l'adresse. Ah oui, l'adresse. Laquelle lui donner ? Oh, en voilà une sur cette caisse. Rue Bonifacio, 27. Rue Bonifacio, 27. Bon, merci. Merci, monseigneur. Mille remerciements. Je vous devrai ma fortune. Oh, enfin, nous voilà partis. Maintenant, agissons vite. Il s'agit de savoir si c'est bien ici que notre lieutenant est caché. Je n'entends plus rien. Oh, c'est lui. Oui. Oh, vous. Vous ici, mais comment se fait-il? Et ses costumes? Nous vous expliquerons plus tard. Et Claudine, où est-elle donc, Robert? Elle va rentrer dans un instant. Quelqu'un? Non, non, ne craignez rien. C'est l'aubergiste. Clampas, ce sont mes amis. Alors, ils sont les miens. Merci, mais le temps presse. Notre carrosse est là. Vous allez partir avec nous, Robert. Oui, partir, impossible. On ne sort plus de la ville sans un sauf-conduit. Ah, et le gouverneur qui vient d'en envoyer un au duc della Volta. Je viens de le remettre à sa femme. Elle est ici? Oh, mes enfants, laissez-moi. Mon ex a le sauf-conduit. Il nous le faut, je l'aurai, j'en fais mon affaire. Bien, allez mes amis, obéissons. Nous allons nous assurer que la voiture est prête. Venez tous. Mais faut attendre Claudine. Ascanio, il n'est pas là. Il n'a plus le moindre égard. Oh, révérend, mon père. Que désirez-vous, ma fille? J'ai besoin de vous consulter sur un cas de conscience et je vous prie de bien vouloir m'entendre. Volontiers. Allez-y, mon enfant. Il faut d'abord que vous sachiez que j'étais mariée deux fois. Ce n'est pas trop. Ça dépend, car dernièrement,